à 1000 francs. Et puis on peut gagner un t-shirt RFI en plus. Quelle différence entre le patron de choc et le ticket choc? Eh bien, j'espère que je vais gagner un t-shirt RFI en tout cas. Il y a une différence de grammaire. Un patron de choc. Vous mettez de entre patron et choc. Ticket choc, vous ne mettez rien. Un argument, choc. Une image, choc. Vous ne mettez rien. C'est ce qu'on appelle une apposition. Le mot choc est utilisé un peu comme un adjectif, comme choquant. Mais justement, ce n'est pas un adjectif et c'est ça qui fait le succès de l'expression. Prix, choc. Article, choc. À côté des différences, en tout cas, moi, je vois une ressemblance, c'est que ce sont des expressions, c'est un lexique qui est très à la mode. Néanmoins, l'image choc, c'est davantage l'idée que l'image est en elle-même le choc. Elle le produit alors que le patron de choc, voilà une expression qui nous vient du vocabulaire militaire, de celui de la guerre. On pense à des troupes de choc qui sont préparées à toute éventualité. Donc, si vous voulez, qui sont davantage préparés à recevoir le choc, à y faire face, plutôt que de le créer. Toujours est-il que la sonorité du mot choc est pour beaucoup dans l'effet de mode dont il bénéficie. Choc, en fait, n'est pas un mot si moderne que cela. Il nous vient du néerlandais. Il est apparu en France autour du XVIe siècle. Au départ, ça voulait dire un coup. Et pendant longtemps, ce mot de choc n'a gardé que son sens concret de coup, une collision. Aujourd'hui, il peut d'ailleurs désigner trois choses, non pas vraiment différentes, mais un petit peu distinctes. Le bruit qui est causé par un choc. Hier, dans la nuit, il y a eu un choc épouvantable. Boum ! On s'est demandé ce qui se passait. Alors ce peut être également l'accident lui-même. Il s'est produit un choc au carrefour des Gobelins. D'ailleurs, il y en a toujours. Le choc a été terrible. Et puis enfin, cela désigne également l'état dans lequel on est après un choc. Alors là, ça renvoie à l'idée de traumatisme. Il est en état de choc depuis son accident, avec cette idée qu'il est resté totalement stupéfié, qu'il n'a pas vraiment recouvré ses esprits, que le choc a été trop fort. Oui, il a subi un choc nerveux. Et on trouvera d'ailleurs dans cet ordre de sens la forme passive. Il a été choqué, c'est-à-dire qu'il est toujours marqué, il est vraiment traumatisé. On dit également, il est sous le choc. Un choc, en tout cas, aujourd'hui, est toujours violent et accidentel. Jadis, je vous ferai remarquer qu'on l'employait dans un sens beaucoup moins accidentel que ça. Trinqué, vous voulez dire ? Oui, lorsqu'on choquait sévère, ce n'était pas un accident, on le voulait. Et pourquoi le voulait-on ? Parce qu'on était content d'être ensemble et qu'on trinquait. C'est vrai que c'est un sens ancien, mais il est encore employé. Moi, j'aime bien choquer mon verre avec vous, Evelyne, quand on a terminé une bonne émission comme aujourd'hui, par exemple. Il y a un sens différent qui est apparu vers le XVIIe siècle. Choquer dans le sens de déplaire, de causer une surprise, mais en même temps de froisser la moralité de quelqu'un. J'ai choqué Julie parce que je me promenais en slip dans le vestibule. Ben, je ne vois pas pourquoi, elle aurait dû être ravie, au contraire. Enfin, mais allez dire ça à Julie, vous la connaissez. On peut choquer quelqu'un, mais on peut également choquer les convenances. On peut aussi choquer un sens. Par exemple, le fait que vous vous promeniez en slip a choqué, je suppose... Mon oreille, oui. La vue de Julie, j'allais dire. Ne me faites pas raconter n'importe quoi. Oh, cela me choque. C'est-à-dire que c'est choquant. Et là, on entend évidemment un peu l'écho d'un terme anglais qui est un petit peu rétro aujourd'hui. Oh, il va en slip dans le couloir, mais c'est très choquant.